Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Historia, le journal Paris pour les étudiants de Nancy. Votre émission sur l'actu, la culture et bien plus encore. On se retrouve avec quatre chroniqueurs. Idana, bonjour. Bonjour. Anaïs Henry, rédactrice en chef. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Et Louis. Bonjour. Bonjour Louis. Et enfin, Elio, comment tu vas Elio? Bonjour, ça va, très content d'être là. Moi de même, c'est ma première émission, enfin ma deuxième émission à animer sans Diane. Une petite pensée à elle d'ailleurs. Donc comment ça va? Est-ce que le week-end a été bon? Ah, incroyable. Moi, j'ai fait la fête avec ma famille. C'était hyper cool, mais du coup, le réveil ce matin, un peu difficile. Donc, un week-end festif. Et... très bon aussi pour ma part. Il y avait une fête de la Mirabelle dans mon village. C'était super. On a fait des courses de cartes. C'était exceptionnel. Un peu fatigué quand même, mais c'était super. C'est incroyable. Et toi, Elio? Excellent week-end, tournoi de badminton tout le week-end, franchement. Petite demi-finale en double, messieurs, donc c'est sympa. Donc un futur champion de badminton? Non, pas à ce point. C'était dans la dernière série, mais c'est cool quand même, ça fait plaisir. Ilana, ton week-end? Moi, j'étais chez mon copain pendant 4 jours parce que je n'ai plus cours à partir de mercredi. Et oui, j'ai beaucoup de chance. C'est génial, la chance, en effet. Donc on continue avec une musique, une première musique. C'est Molière, l'opéra urbain. On se moque. Que ceux qui se ressemblent souvent s'assemblent. Y'a les gens d'en haut et les gens d'en bas. S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, que leurs mains tremblent. On n'arrête pas un cœur qui bat. On se moque de ce qu'ils pensent. On les provoque pour eux, c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh. Pas des anges, qu'est-ce que ça change? Qu'on goûte aux fruits de notre passion. Pourquoi faut-il que ça dérange quand on se mélange? Au diable toutes les conventions. On se moque de ce qu'ils pensent. On les provoque pour eux, c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, la robe blanche. Mais de leur colère on se joue. Tant que notre amour est fou, il défiera toutes les lois. On criera sur tous les toits. Tu es ma chance et rien n'a d'importance. Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, ma robe blanche est la réponse à leurs offenses. Oh mon amour, ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour. Quelle musique pleine d'emprunt. On se moque des partiels, non? Ah oui. On n'en peut plus. On n'en peut plus des partiels. Bon allez, on commence avec Anaïs qui va nous parler d'un sujet qui fait toujours danser, toujours chanter et revivre la nostalgie d'une époque, n'est-ce pas? Eh oui, effectivement, il y a des chansons qui ne vieillissent jamais, des chansons qui traversent le temps, les modes, les époques. Aujourd'hui, je vous emmène en avril 1970, où il y a donc pile 55 ans, aux côtés d'un groupe qui a changé la musique pour toujours, les Beatles, et d'une chanson née dans l'intimité d'un rêve, Let It Be. À ce moment-là, les Beatles vivent dans leurs derniers mois ensemble. Les tensions sont fortes, chacun trace sa route en solo. C'est dans ce climat lourd que Paul McCartney rêve de sa mère, Marie, disparue depuis son adolescence. Dans ce rêve, elle vient le réconforter, lui glisser quelques mots tout simples, « Let it be », »,« Laisse faire », »,« Ne lutte pas contre ce qui doit arriver ». Touché par cette vision, Paul compose cette ballade poignante, à la fois personnelle et universelle, un morceau d'une simplicité bouleversante porté par son piano lumineux et cette voix empreinte de douceur et de mélancolie. La Lead B devient très vite un hymne, un appel à l'apaisement dans un monde secoué par les guerres, les révoltes sociales, les bouleversements, le public y voit un message d'espoir, une main tendue vers le chaos. Sur l'album du même nom qui sortira un mois plus tard, la version de Let It Be sera même un peu différente. Phil Spector, célèbre producteur, ajoute des orchestrations et une guitare plus marquée. Mais à la radio, c'est souvent la version simple, plus épurée, qui continue de nous émouvoir. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, Let It Be reste une chanson refuge et nous rappelle qu'il faut parfois accepter ce qu'on ne peut changer et laisser la vie suivre son cours. Alors tout de suite, laissez-vous couler en écoutant Let It Be des Beatles. Quelle musique, très bon choix et très belle chronique. Merci. On continue avec Idana ? Et oui, aujourd'hui on va parler du documentaire et plus particulièrement du documentaire engagé qui s'impose aujourd'hui comme l'une des voix les plus puissantes du cinéma. Ce genre cinématographique qui ne se contente pas de montrer le monde mais qui le bouscule, l'interroge et parfois le transforme. Le documentaire engagé, c'est cette arme douce mais redoutable qui expose des réalités ignorées. Prenons l'exemple frappant du film Les Fantômes de Jonathan Millet, lauréat du prix Croire au cinéma 2025. Ce thriller haletant, inspiré de faits réels, suit Hamid, un réfugié syrien en Europe, rescapé des geôles d'Alep qui traque les criminels de guerre syriens cachés parmi les demandeurs d'asile. Mais plus qu'une chasse à l'homme, Les Fantômes interrogent la notion de justice, la tentation de vengeance et la difficile reconstruction après l'horreur. Le film, salué pour sa tension et sa sensibilité, invite le spectateur à dépasser le simple constat pour réfléchir à la réparation, au pardon et à la mémoire collective. Comme d'autres documentaires engagés avant lui, Les Fantômes ne propose pas de solution toute faite, il met en lumière la complexité des situations humaines et politiques et c'est là sa force. Il pousse chacun à se positionner, à débattre et à s'informer, voire à s'engager. On se souvient de l'impact de Blackfish sur la captivité animale, dont l'indignation suscitée a entraîné la fin officielle du programme d'élevage d'orques en captivité par SeaWorld en 2016. Le documentaire engagé, c'est donc bien plus qu'un film, c'est un appel à la conscience, à l'action, à la solidarité, un miroir tendu à la société pour qu'elle ne détourne plus les yeux mais qu'elle agisse, parce que parfois il suffit d'un film pour changer des vies et qui sait, faire avancer le monde. C'était Ilana, à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Alors la prochaine fois que je regarderai un documentaire, je penserai à toi, Ilana. Eh oui. Alors on continue avec Elio, hein, qui va nous parler, qui va nous faire rêver sur sa chronique sportive, sur les classiques ardennaises en cyclisme. Et oui, aujourd'hui on va parler des classiques que l'on appelle ardennaises, alors que ce sont des classiques cyclistes, des courses cyclistes qui ont lieu dans la région des Ardennes, justement, elles portent bien leur nom. Et donc, à partir du mois d'avril, les coureurs quittent ce qu'on va appeler les classiques Flandrière, ce sont des courses d'un jour qui ont lieu sur des monts pavés, dont les plus importantes avec le Tour des Flandres en Belgique et Paris-Roubaix, mais ce n'est pas le sujet. Donc on passe sur un autre type de course, avec des côtes très courtes, avec des pourcentages très très pentus, très très élevés, qui vont parfois à 20-23%. Et donc il y a trois courses très importantes qui rythment cette saison des classiques ardennaise. Il y a tout d'abord, pour se mettre un petit peu en jambe, ce que l'on appelle l'Amstel Gold Race. C'est une course qui a lieu aux Pays-Bas. Oui, j'ai commis une petite erreur. Il y a quand même une course que l'on appelle ardennaise qui a lieu aux Pays-Bas. C'est une course de 250 km où les plus grands coureurs cyclistes que l'on appelle des punchers, des coureurs capables de faire des efforts très violents mais sur des moments très courts. Donc cette course commence à rythmer le calendrier des classiques ardennaises. Ensuite, nous avons la Flèche Wallonne, qui est la course des punchers par excellence, vu que c'est une course que l'on appelle de côte, avec plusieurs murs, plusieurs côtes qui s'enchaînent, et une grosse difficulté dans les deux derniers kilomètres, le mur de Huy, avec des passages à plus de 21%, c'est une côte d'1,3 km, et ce sont vraiment les spécialistes de la discipline qui s'affrontent, avec la victoire cette saison de Tadej Pogacar, la grande star du cyclisme, qui s'impose pour la troisième fois sur la course. Et puis, pour terminer, le dimanche, en général, la doyenne des classiques, la plus ancienne, ce qu'on appelle Liège-Bastogne-Liège, c'est une course aussi de 250 km qui est un peu à part, vu qu'on appelle cette course un monument du cyclisme. Il y en a 5, et donc cette course fait partie des monuments, et c'est la plus prestigieuse à gagner. On enchaîne des côtes encore une fois très très dures, des côtes mythiques comme celle de la Redoute ou de la Roche aux Faucons, et cette année, c'est encore une fois le champion du monde de cyclisme, Tadej Pogacar, qui a remporté cette course avec plus d'une minute trente d'avance sur ses concurrents. Tadej Pogacar s'impose réellement comme le roi du cyclisme actuellement. Il est déjà à son 9e monument. Il a remporté le Tour des Flandres cette saison et il a remporté donc Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogacar s'impose comme la nouvelle star du cyclisme et il va s'aligner bientôt sur le Tour de France pour tenter de le remporter une 4e fois. Je vous remercie. Pogacar, une légende vivante, ce mec. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. I'm only human, so it takes to put the pain on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put... Eh ben, Elio, pour une première chronique, félicitations. Merci beaucoup, ouais, c'est toujours un plaisir franchement de partager ma passion. Et on continue avec Louis hein, qui va nous parler d'une chronique. Alors aujourd'hui je vais aussi vous parler d'une de mes passions. Je vais vous raconter l'histoire d'un prix pas comme les autres. Oubliez les trophées dorés, les médailles brillantes et les honneurs éclatants, voici le ballon de plomb. Né en 2003 sous l'impulsion du magazine Les Cahiers du Football, le ballon de plomb n'a qu'un seul but, désigner le footballeur professionnel français ou étranger, le plus moqué ou le plus décevant de nos pelouses de Ligue 1. Oui, c'est une récompense au second degré, offerte non pas à la gloire, mais aux grands oubliés, aux incompris et parfois aux véritables catastrophes footballistiques. Chaque année, les lecteurs votaient, parfois pour un joueur maladroit, pour un talent gâché, pour une idole déchue. Mais attention, loin d'être méchant, le ballon de plomb était aussi une déclaration d'amour pour ses héros tragiques, ses stars contrariées, ses footballeurs qui faisaient autant rire que pleurer. Parmi ces illustres lauréats, nous pouvons retrouver le premier récompensé, Francis Lasseur, le dernier et le plus marquant pour les jeunes générations, Florian Thauvin, et pour finir, un joueur que j'adore passé par la SNL, Benoît Pedretti. En 2010, victime de son succès et de sa médiatisation, de plus en plus intense, l'existence même du ballon de plomb est remise en cause. De plus en plus de contributeurs au cahier du football, qui ne reconnaissent plus l'ironie décalée et qui avait fait le symbole de l'institution invente alors son complément, le ballon d'eau fraîche. Correspondant davantage à leur valeur, récompensant la fidélité, la lucidité sur son niveau, le sens du collectif et le fair play, ce trophée parodique n'est plus décerné depuis 2013, mais il est resté dans les mémoires comme un symbole de l'humour de notre Ligue 1. Alors la prochaine fois que vous voyez un contrôle raté ou un but improbable, ayez une pensée émue pour ces glorieux plombés. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait. Celebrate it, baby. I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. Je ne savais pas du tout l'existence du ballon de plomb. Tu m'as appris quelque chose, Louis. Et oui, ça date quand même un petit peu. Ça me fait beaucoup fait rire quand je l'ai découvert. Et ben moi, je vais continuer sur ma chronique. Donc, si vous avez suivi la dernière saison de la Star Academy, vous connaissez sûrement Marine Delplace, donc la gagnante, la finaliste, remarquée par sa voix sensible et puissante, quelques mois seulement après la fin de l'aventure. Marine fait ses premiers pas en solo avec Ma Faute, un premier single très attendu par ses fans, sorti en mai 2022. Dans sa chambre, elle a écrit cette chanson, avec son père notamment, qui l'a dirigé artistiquement. Et elle a sorti son clip en mars dernier. Dans plusieurs interviews accordées après sa sortie, Marine a expliqué que Ma Faute est une chanson très personnelle. Elle parle d'erreurs, de regrets, mais aussi de cheminement vers le pardon, envers soi-même, envers des autres. Marine a co-construit ce morceau avec son équipe artistique, donc notamment son père. Musicalement, le titre est volontairement épuré, piano, quelques touches de cordes, une ambiance intime pour laisser toute sa place à sa voix. Loin d'un tube formaté, son morceau sincère à son image, Marine d'ailleurs explique qu'elle voulait que son premier single ressemble à ce qu'elle ressent vraiment et non ce qu'elle attendait d'elle. Avec Ma Faute, Marine prouve qu'elle n'est pas seulement une ex-candidate de la Star Academy, c'est aussi une artiste en construction qui ose se montrer ses failles. C'est une très belle promesse pour la suite de sa carrière qui va l'emmener très très loin, j'en suis sûr. Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. C'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Je pensais si forte, mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Et à l'aide parce que les partiels approchent. Mais pourquoi on parle toujours des choses qui fâchent comme ça? Alors, vous êtes plutôt team Ebony ou team Marine? Ebony. J'ai pas suivi la Starac, comme ça, c'est réglé. Moi non plus, j'ai pas de team là. Personnellement, Marine est très bien, mais bon, je m'en fiche. Et ben moi, je suis team Historia, hein, c'est bien. Voilà, bon, dis non. Les termes, Théo. Voilà. Bon, avant de se quitter, on va faire un petit tour de table. Hein. Notamment, qu'avez-vous prévu pendant vos vacances qui arrivent très prochainement, très bientôt? Donc, les vacances d'été, et quels sont vos projets futurs? Alors, j'ai prévu d'aller au camping, comme tous les ans, avec ma famille et mon copain. Et c'est vraiment les meilleures vacances, parce qu'à chaque fois, je retrouve mes amis de l'année passée. Et c'est de très bons souvenirs que je partage avec ma famille. Voilà. Alors moi, pour les vacances, je vais partir avec mes parents aussi. Je ne sais pas encore où. Mais je vais aussi faire une colo avec une amie. Et je suis vraiment content. Ça va être la deuxième colo que je fais avec elle. Ça va être super. En tant qu'animateur ? Oui, c'est ça. C'est génial. L'expérience d'animation dans les colonies de vacances. Exactement. Inanna. Cool. Moi, je serai en stage. Voilà. Mais bon, ça va être très cool. Et sinon, je vais regarder des films. Et puis préparer la rentrée de mon asso. Et voilà. Et Elio ? Plusieurs choses de prévues. Déjà, en juin, partir en camping avec mes amis, ça va être extraordinaire. On part en Vendée, ça va être génial, franchement. Ensuite, travailler, bien sûr. Il va y avoir. Je vais faire aussi des colos, je pense, pendant tout le mois de juillet, un peu pendant l'été, pendant août. Et puis, il y aura le sport, bien sûr, toujours. Faire du vélo. Objectif, faire 100 km pendant ces vacances en une sortie. Ça serait génial si j'arrive à faire cet objectif. Voilà. Un bel objectif, hein. Tout travail mérite récompense. Exactement. Après. Et moi, je vais partir en Espagne pendant mes vacances au mois de juillet. Ça va être vraiment reposant. On le mérite pleinement. Enfin. Voilà, enfin. Et vos projets futurs, l'année prochaine, qu'est-ce que vous faites ? On commence par Anaïs. Alors moi, c'est en suspens. Honnêtement, soit je suis en alternance à Nancy dans la communication, soit je vais dans les masters auxquels j'ai postulé, dans le journalisme, la communication, tout ce qui touche aux médias, voilà. Super projet, Edoui. Alors moi, je vais prendre une année de pause, c'est comme ça qu'on appelle ça, et je vais partir à l'étranger pour apprendre une langue, parce qu'en cours, c'est assez compliqué. Donc, normalement, le projet initial, ce serait de faire au pair aux États-Unis. Trop bien, mon rêve. C'est vraiment génial aussi. C'est un super projet. Ça me fait rêver aussi. Inanna ? Moi, je vais continuer tranquillement, vu que je suis que en L2, donc je vais passer en L3, toujours en infocom, du coup. Et puis voilà, et puis forcément, toujours faire vivre mes projets à côté, et puis m'épanouir et tout ça. L'épanouissement, c'est très important. Elio ? Moi, l'année prochaine, j'ai décidé de changer d'orientation. Je vais aussi partir en information et communication pour me rapprocher de mon projet de journalisme du sport qui m'anime beaucoup. C'était sympa l'histoire, mais c'est bien de changer parfois. Et je pense que je suis plus doué pour le journalisme du sport que pour l'histoire. Alors voilà, j'ai pris la décision de changer et j'espère que ça a marché. Bienvenue dans la team d'Infocom. Ah non, oui, t'es en histoire. Oui, moi je suis toujours en histoire. Et toi Théo, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? J'attends les réponses des écoles de journalisme. Donc d'ailleurs, c'est aujourd'hui, donc voilà. Donc, on se fait le meilleur, Théo. Merci beaucoup. Croise les doigts pour toi, ça devrait passer. Et si tout va bien, je pars dans une autre région, m'épanouir pleinement. Ah, tu vas nous quitter, non, Théo ? Donc voilà. Vous restez dans le cœur. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.